Bonjour et bienvenue dans Quoi qu'il se passe, le podcast qui te fait sortir de chez toi. Pour ce numéro pilote, je vais vous expliquer en quoi consiste le podcast. Donc, je vais recevoir des intervenants pour présenter leur sortie, qu'il s'agisse d'un festival de musique, d'une expo de peinture, d'un salon ou d'une convention. Le podcast va s'articuler en deux parties. Une partie qu'on nomme Before Event, où on présentera l'historique de la sortie, ainsi que notre retour sur les précédentes éditions s'il y en a. Ensuite, on présentera la sortie qu'on a prévu de faire. Dans la partie que l'on nomme After Event, on reviendra sur la sortie qu'on vient de faire, en vous expliquant en détail, donnant notre tour, ce qui nous a plu ou pas. Et pour ce premier numéro, j'ai avec moi comme invité Musica. Bonjour Musica. Salut. Alors où est-ce qu'on va traîner pour ce premier pilote? Bien, on va traîner du côté de chez moi, ouais. À Toulouse, pour le TGS Spring Break, qui se déroule du 12 avril au 13 avril 2014. Ouais, c'est ouais, un petit week-end, ça va. C'est ça, c'est ça. Donc ensuite, on va passer à la partie Before Event. Donc on va parler plutôt de la présentation de la sortie. Donc... comme annoncé, donc on va faire le TGS Spring Break. Donc après, le TGS, c'est géré par la société TGS Événements, créée en 2007 par Sébastien Laurence et Frédéric Devez. Donc c'est Toulouse, hein. Ouais, c'est... donc ça a été créé en 2007 pour parer à un manque de conventions de type Jap animation, donc tout ce qui est manga, dessin animé, animé entre guillemets, hein, pour faire puriste, dans le sud de la France. Bonjour et bienvenue dans Quoi qu'il se passe. Donc pour ce second numéro, je chamboule un petit peu la formule before after, parce qu'en fait on va directement faire un after. Donc je reçois avec moi Gandalf 81. Qui a fait plusieurs bonjour. Sorties sur Paris. Ah, bonjour. Et qui a fait plusieurs sorties sur Paris et il va nous présenter donc ce qu'il a fait. Donc est-ce que tu peux te présenter déjà avant de commencer? Bon voilà, Gandalf 81, sommité inconnue du monde geek. Et du monde du podcast aussi. Et le monde du podcast, voilà. Je suis un auditeur pas fidèle, mais j'essaie d'être fidèle. Donc voilà, je vais donc vous raconter mes activités. On va dire geek entre guillemets que je suis allé faire à Paris. Ouais. Donc, vous verrez que c'est assez divers. J'aurai différents univers. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que tu as été faire sur Paris? Donc voilà. C'était la raison pour laquelle j'étais monté. Je suis monté pour le concert de Kiari Pamiu qui a eu lieu le 25 avril 2014. Donc, alors, pour rappel, c'était son troisième passage à Paris. Elle était déjà passée une première fois à Japan Expo. Bonjour et bienvenue dans Quoi qu'il se passe. Donc aujourd'hui, on va parler d'un événement podcastique qui s'appelle Podren. Donc je reçois aujourd'hui Dizzy Rider, Bambou du Bled et Péremptoire. Salut. Salut. Donc du coup, on va parler un peu de Podren. Donc qu'est-ce que c'est que Podren? Alors, pour faire simple, c'est un regroupement de podcasteurs, de poditeurs ou même de gens qui ne connaissent rien. C'est ouvert à tout le monde et dans le but d'échanger, c'est surtout de l'échange, donc se retrouver une journée et puis discuter entre nous, parce que j'avais remarqué que il y a quand même des petits événements comme ça, mais spécialisés sur le podcast, ça manque un peu quand même, en fait. Bah déjà, ouais, le podcast, c'est un petit peu un environnement très fermé, un petit peu qu'entre nous, et c'est... Voilà, c'est... Ouais, c'est pas que c'est fermé, mais c'est quand même très... c'est très oui, c'est restreint, une niche. Ouais, c'est oui, ça. Voilà. Et c'est surtout qu'on est tous, justement, la facilité de pouvoir enregistrer, comme on le fait d'ailleurs ce soir, via des Skype ou des Mumble. On est tous dispersés partout sur toute la France, et même Suisse, Belgique... Salut et bienvenue dans Quoi qu'il se passe, partie after de Podren. Donc c'était la rencontre autour du podcast. Dans la partie before, j'étais avec DZ Rider et Péremptoire, mais malheureusement ils n'étaient pas dispo pour faire cet after. Mais j'ai avec moi David, Nemo et Lloyd. Salut. Yo, salut. Bonsoir.